Oui. طيب هناك مسألة أخرى، من يقوم بقيام الحجة على المخالف؟ Qui peut établir la preuve pour la personne qui commet l'erreur? Ahl al-ilm? Les juges. Al-qadi, al-mujtahid, كلها طالب العلم، كلها أهل العلم. أهل العلم يا محمد. يعني qui c'est qui peut établir la preuve, c'est-à-dire faire l'iqamat al-hujjah, ala al-mukhalif? Ahl al-ilm? Ahl al-ilm? Ahl al-ilm? الذي له علم في المسألة. الذي له علم في المسألة، هذا أقرب، لأن العامي يعني رجل عامي له أن يقوم أن يقيم الحجة على المخالف. Parce qu'une personne qui fait partie du commun des gens, même si elle n'a pas étudié chez les savants ou quoi, mais elle a eu quand même une chose de science. Elle sait que le fait de se prosterner pour autre qu'Allah, hada kufr. Alors, mais elle ne fait pas partie des gens de science. Est-ce qu'elle a le droit d'établir la preuve ou pas? Naam. نعم فماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن من ألفاظ العموم، يعني أي أحد يرى منكرا له أن يغيره. نعم طيب، فتكتبون هذه المسألة، مسألة من يقوم بقيام الحجة؟ من يقوم بقيام الحجة؟ من يقوم بقيام الحجة؟ لا يشترط في إقامة الحجة أن تكون من عالم أو غيره. Ce n'est pas une condition dans le fait d'établir la preuve que cela vienne d'un savant ou autre. بل يقيمها من يحسن إقامتها. Mais au contraire, celui qui, يعني, qui peut établir la preuve d'une bonne manière, qu'il le fasse. Celui qui peut établir la preuve d'une bonne manière, qu'il le fasse. Que ce soit qu'il fasse partie des gens de science ou non. Non. طيب. طيب. مسألة أخرى. من يقوم بتنزيل الحكم على المخالف؟ من يقوم بتنزيل الحكم على المخالف؟ يعني المتمكنين. طيب نعم نعم هنا ما نقبل يعني كلام العامي ولا الذي يعني ما له علم. طيب فتكتبون يعني من يقوم بتنزيل الحكم، مسألة من يقوم بتنزيل الحكم على المخالف، نقطتين دو بوان، هذا يشترط أن يكون من أهل العلم. Ça, c'est une condition que ça soit, yani que celui qui fait descendre le jugement sur la personne fasse partie des gens de science. واحد يكفي ولا كما يقول بعض الناس يعني لا لا واحد يكفي، واحد يكفي، لا يشترط أن تكون من عدد من العلماء، واحد يكفي، ولا يشترط أن يكون من كبار العلماء. Et c'est pas une condition que celui qui fait descendre le jugement sur la personne fasse partie des grands savants. Non. لكن لا بد أن يتصف أو أن يتصف أن يتصف بأنه من أهل العلم. Mais il est obligé d'avoir comme caractéristique يعني qu'il fait partie des gens de science. نعم. Donc on a vu ces masaïl-là. Ensuite on revient à la page 11 pour expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle Ahl al-ilm fi hadha al-bab. Parce que on pourrait dire que nous à l'heure actuelle on fait partie des gens de science. لأننا حول العلم وندرس وكذا. لكن المراد بذلك كما ذكر أخونا عبد الرحمن المتمكنين في العلم. Ceux qui ont atteint un haut degré في العلم. نعم. Ce n'est pas les débutants comme nous actuellement. ونسأل الله أن يرفع قدرنا وأن يزيدنا علما. نعم. قال وقال دونك على لا باج 11 قال العلامة صديق حسن خان ان دي سامون دو نوتر ايبوك قال يعني lorsqu'il a expliqué qui est la personne de science قال من تمكن من اثبات المسائل بادلتها عن علم وثبات. Celui qui est capable d'affirmer ou de répondre aux différents points avec preuve et science et fermeté. نعم. وقال الشيخ العثيمين. Et الشيخ العثيمين il a dit يعني au sujet lorsqu'il va expliquer c'est qui le mujtahid. C'est qui la personne qui est mujtahid? Et le mujtahid, c'est yani, la personne d'Ahl al-Ilm qui est capable de faire descendre le jugement sur la personne. قال الاجتهاد في اللغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق. Donc tout d'abord, il explique c'est quoi le mot, que signifie le mot اجتهاد في اللغة. C'est le fait de faire un effort pour atteindre une chose difficile. واصطلاحاً بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. Et en ce qui concerne la définition selon la législation, c'est le fait de faire un effort afin d'atteindre un jugement religieux. Voyez. Ensuite, il explique, il dit والمجتهد من بذل جهده لذلك وشروط الاجتهاد. Et quelles sont les conditions pour être ou faire partie des gens qu'on appelle أهل الاجتهاد, les gens qui peuvent faire un اجتهاد. قال أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. Il dit que tout d'abord cette personne elle doit connaître les preuves religieuse dont il a besoin dans son effort, c'est-à-dire dans son ijtihad. Il doit connaître les preuves religieuses dont il a besoin, comme les versets ayat al-ahkam qui sont relatifs à la réglementation, yani au fiqh, à la jurisprudence, les versets qui sont relatifs au fiqh, c'est-à-dire à la jurisprudence, ainsi que les ahadith. Il doit connaître ça. Wa an ya'rifa ma yata'allaqu bi sihhati al-hadith wa dha'fihi ka ma'rifati al-isnad wa rijalihi wa ghayr dhalik. Et qu'il connaisse aussi qu'il ait une connaissance sur l'authenticité du hadith et sa faiblesse, comme le fait de connaître les chaînes de transmission. Connaître la chaîne de transmission ainsi que les hommes du Sénat. Troisièmement, an ya'rif an-nasikh wal-mansukh wa mawaqi' al-ijma' hatta la yahkum bi-mansukh ou mukhalafat al-ijma'. Et il doit connaître aussi les choses qui ont été abrogées et celles qui abrogent. Et il doit connaître aussi les différentes choses où il y a un consensus, une unanimité des savants. Tout ça, il doit connaître ça avant que il place un quelconque jugement. Ou plutôt, on va dire, il doit connaître ça pour être ou faire partie des gens qu'on appelle Ahl al-ilm al-mutamakkine. Les choses abrogées, celles qui abrogent, ouais. Qui abrogées, et les endroits où les différents points où il y a un consensus, l'unanimité des savants, afin qu'ils ne jugent pas par une chose qui a été abrogée. Maintenant, si quelqu'un vient et dit qu'il est permis de dire Masha'Allah wa shi'it, Masha'Allah wa shi'it, Allah, yani, Allah a voulu et toi. Si quelqu'un vient et dit ça, hada ghalat, khata. Et lui il va te dire, ouais, mais il y a un hadith, le prophète sallam kanu yaquluna hada fi ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ba'dhum qalu nusikh. Jaa an-nahy ba'd dhalik. Jaa an-nahy ba'd dhalik. Fala budda min ma'rifat an-nasikh wal-mansukh. نعم. رابعا أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. Il doit connaître les preuves يعني il doit connaître Yani parmi les preuves qu'il a, ce qui peut contredire son jugement. Parmi les choses qui sont khas, qui sont spéciales, ou qui sont strictes pour une chose. Je ne sais pas si c'est bien compris. Yani, maintenant, أنت طيب مثال الصلاة يعني من أركان الصلاة أن تكون قائم صح ولا لا؟ فأنت لابد أن تعرف يعني من خلال الأدلة التي هي عندك يعني أن هناك ما يخالف ذلك. Tu dois connaître يعني ce qui peut ce qui va à l'encontre, voilà, ce qui va à l'encontre du dalil que tu as parmi des choses qui sont spécifiques. Par exemple là ce dalil là, comme le jeûne pour un safar, quelqu'un qui est en safar, rukhsa lah. Tu vois ce que je veux dire? C'est à dire si tu es pendant le mois de Ramadan, la tufrid ala an-nas wa hum musafirin, parce que tu dois connaître que on a qu'il y a d'autres adillah qui vont à l'encontre, qui sont khas pour certaines personnes ou khas pour certaines actions. Mafhoum? Non. طيب. خامسا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالة الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. Et il doit connaître aussi, il doit être connaisseur de la langue arabe et aussi des bases de la jurisprudence, afin qu'il sache faire la différence avec en ayant un simple texte, qu'il sache faire la différence si ce texte est à prendre d'une manière globale ou d'une manière spécifique ou si il est particulier ou propre à une catégorie ou autre. Non. Sixièmement, سادسا أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها et qu'il ait une capacité à extirper d'une preuve un jugement. Tout ça, toutes ces conditions font partie des conditions pour faire partie des gens du ijtihad. Wa alaykoum salam. Et de surcroît, ce sont les conditions qu'il faut acquérir pour être considéré parmi les gens de science al-mutamakkinin. Non. Donc là, on voit vraiment que cette affaire n'est pas simple. ويحتاج إلى علم ومعرفة حتى تقول فلان مبتدع فلان كذا فلان وأشد ما يكون أن تقول فلان كافر. Et on vient de voir la parole de Cheikh l'Islam qui dit la plupart de ceux qui me fréquentent ils connaissent de moi, et ça c'est Cheikh l'Islam qui dit, ils connaissent de moi que je suis la personne la plus éloignée de rendre quelqu'un innovateur ou de rendre quelqu'un pervers ou de rendre quelqu'un mécréant. Sauf ou jusqu'à ce qu'on sache que la preuve lui est bien parvenue. Voilà Cheikh l'Islam. Et dans d'autres paroles, comme on a souvent évoqué, il dit يعني أحب أن أدخل في الإسلام من ليس منه بدل أن أخرج منه من هو فيه. Je préfère faire rentrer dans l'islam une personne qui n'y est pas que de faire sortir de l'islam une personne qui y est. نعم. طيب. فهذا كذلك وإن شاء الله نأخذ الشرط الذي بعده المسألة الذي بعده وننتهي بهذا البحث. قال هل يشترط في قيام الحجة الفهم فهمه est-ce que c'est une condition lorsque tu établis la preuve que la personne d'en face elle la comprenne? Oui, c'est important. Donc là, oui. Là, s'il peut changer, s'il comprend, Abdel Malik il dit là c'est pas une condition. Abu Ibrahim. Yani si par exemple il n'a pas compris, khalas, tu peux pas dire que fulan. Jamil. Lakin si tu viens de lui dire هذا حرام بلغته ويفهم جيدا ويقول ما فهمت ما فهم ما فهم الذي تقول اي دي مش كومبران با كومبران با مو انا انت مدي سا نو نو نو اي ما تو با كومبران قد يكون فهمه ضيق. Sahih. Ça se peut que sa compréhension elle soit limitée. C'est-à-dire si on s'arrête sur sa compréhension et on dit que c'est un shart qu'il comprenne. Alors là, tu vas attal le kathir min hadha al-bab. Rubama lama badda'u al-Qardawi ou la amsal. Na'am. طيب. Fa al-mas'ala fiha tafsil. فالقولين حق عبد الملك وعيسى صواب. التفصيل هو إذا كان المراد بفهم الحجة يعني فهم الخطاب الكلام كما قال عيسى تكلم بلغة المخاطب فهذا واجب, هذا شرط. من عنده الدليل من القرآن سورة إبراهيم؟ هيا من يحفظ سورة إبراهيم؟ هيا إذا ما بالله إلا أنت يا هارون. بداية السورة بلسان قومه عن الآية. أيوة نعم بلسان قومه. نعم فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى جميع الأقوام رسلا بلغتهم حتى يتفقهون ويفهمون فهما صحيحا. Donc la compréhension de ce sens-là, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Mais la compréhension dans le sens qu'ils comprennent ta preuve ou ce qu'indique ta preuve, هذا لا يشترط. C'est-à-dire même s'il dit attends, mais je comprends pas d'où vous prenez que c'est du coup. أنت تبين كذا وكذا. S'il comprend pas, il dit la ma femme la كذا, فهذا لا يشترط. Enfin, on ne s'arrête pas là-dessus. C'est qui ne veut pas comprendre. Et que, voilà. Et c'est pourquoi on avait dit au tout début, on a dit quoi? Yani, l'eau arad. Yafhamul hujja, l'eau arad. C'est-à-dire, qui c'est qui fait qiyam al-hujja? Yani, celui qui peut la faire d'une bonne manière. Et il doit la faire d'une bonne façon, de manière à ce que celui qu'il l'écoute, il la comprend s'il veut comprendre. On avait dit que cette kalima, s'il veut comprendre, elle est importante. طيب قال هناك تفصيل. إذا كان المراد بفهم الحجة الخطاب مثل أن يكون بلسان المخاطب فهذا لا شك أنه لا بد منه لقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نعم الآية. أحسنت. الله يبارك فيك. وكذلك يستفاد من ذلك أنك si tu viens tu parles avec quelqu'un mais t'as quelque chose devant ta bouche ما يفهم ما يسمع. فهذا لا يعد إقامة الحجة. ثم إقامة الحجة إلى باباسير. ما يعد ذلك. طيب. قال فلا بد أن يفهم الحجة باللسان الذي يتكلم به. Donc il se doit de comprendre la preuve avec la langue qu'il emploie, qu'il parle. لكن كونه يفهم أن الحجة هذه أرجح من الحجة التي عنده أو أنها أقوى من الشبهة التي عنده ونحو ذلك فهذا ليس بلازم. Mais le fait qu'il comprenne que cette preuve-là avec laquelle tu viens, elle est plus forte que celle que lui il a, ou elle est plus forte que sa shubha, que son ambiguïté, ça c'est pas un shart, c'est pas une condition. S'il comprend, فبه ونعمة. إذا لم يفهم فلا نتوقف في ذلك. مفهوم؟ Ça c'est pour la personne qui fait qamatul hujja, ça c'est en gros son devoir et s'arrête là. La personne qui reçoit, si vraiment elle ne sait pas de la mauvaise volonté, elle ne comprend pas, elle estime qu'il y a pas mal de choses sur elle quand même. Si c'est pas. En vérité, regarde. Parce que Iqamat al-Hujjah, s'il est bien fait, il n'y a pas de. Par exemple, tu viens, tu lui dis, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kada. Qala kada. Qala kada. Thumma ba'den, hunaka masa'il, comme on va voir, masa'il wadih, jali. Ka masa'il al-tawhid, wa shirk, wa al-kufr. C'est clair. Mais il y a des masaïles qui sont subtiles. Ou qui sont plus. Ces masaïles-là, la personne, si elle ne la comprend pas, on est obligé de patienter un temps soit peu. Mathalan, quelqu'un vient te dire. Anta, tu viens te dire Allah fi sama. Yani fawq arshe. Fi l'ulou. Al-mutlaq. Tamam, tu lui dis Allah, il est. وهو يقول لك الله في كل مكان عرفت له شبه وله آيات هذا سيدي مسائل خفية مسائل خفية هذه on peut pas venir comme dans le même jugement c'est à dire que لا يعتبر بعدم فهم on essaye de lui faire comprendre بجميع ما في الباب إما باللغة العربية أن الفي يراد تارة الظهور على شيء وكذا ونحو ذلك ولا يراد الظرفية ونحو D'accord. On lui fait comprendre soit que c'est avec la langue arabe, soit c'est avec d'autres preuves. Lakin, en tout cas, le fait qu'il n'ait pas compris, ça va pas, on va pas passer directement comme dans des points qui sont clairs. Ça va? Aslan, cette masala-là, on va l'évoquer encore un peu plus profondément dans les pages qui arrivent. Lorsqu'on va évoquer quels sont les points, les masaïl qui sont dhahira. À quel moment on dit d'une masaïl qu'elle est dhahir? Et à quel moment on dit d'une masala qu'elle est khafiyya? Tab'an, le fait de diviser les masaïl en yani, celles qui sont claires et celles qui sont moins claires, c'est un partage qu'ont fait les ulémas. C'est un partage qu'ont fait les ulémas. Mais comme vous allez le voir, inshallah, dans les cours qui vont venir, yani, Anna, Saraha, il m'a pas apaisé, ce partage. Pourquoi? Parce que toi, tu vas voir que cette masala, elle est claire. Le fait de faire tawaf autour des tombes, il dit c'est une masala, yani, dhahira. C'est clair. Le fait de faire des adorations autour autour des tombes, ça fait partie des points qui sont clairs. Naam. Ça va être clair pour toi, pour moi, pour d'autres gens, mais ça peut toujours être ambigu pour d'autres personnes. Et eux, quand ils placent, c'est-à-dire quand ils ont fait une fois qu'ils ont fait ce partage-là, ils vont dire ceux qui font du shirk dans les pays d'islam, dans les masaïl qui sont bahira, alors là, il n'y a pas de hujja. Vous avez compris? C'est-à-dire, celui qui fait, il tombe dans les masaïl qui sont clairs et il est dans un pays musulman, alors lui, on n'a pas besoin de lui établir la preuve. Il le rend directement mécréant ou innovateur ou autre. Voilà, fi nadar. Et Cheikh Al-Uthaymeen, il fait partie des gens de notre époque qui ont défendu le plus la mas'ala fil udhr bil jahl. Le fait que la personne, elle peut être excusée par son ignorance, même si elle est en terre d'islam. Même si elle est en terre d'islam, et qu'on doit lui faire iqamatul hujja, même si elle est en terre d'islam. Donc, ce que je viens de vous dire, Inch'Allah, ça va revenir, quoi qu'il arrive dans les jours à venir, Inch'Allah. Et yani avec yani profondeur, Inch'Allah. Taïb, Antoum, juste vous retenez quoi pour aujourd'hui que. Yani, fahm al-hujja, c'est pas une condition en soi. Yani, ala l'itla. Le fait qu'elle comprenne la preuve, c'est pas une condition en soi. Si toutefois, le but visé est qu'elle comprenne que cette hujja, elle est plus forte, que cette preuve, elle est plus forte que ce que lui, il a comme ambiguïté, alors ça, c'est pas une condition. Mais pour que yani, celle qui est condition yani, la compréhension qui est conditionnée, c'est qu'ils comprennent la langue. Qu'ils comprennent la langue. Et c'est pas non seulement qu'ils comprennent la langue, mais aussi qui, par exemple, le fait de parler avec d'une parole wadih, c'est clair. Si tu parles avec quelque chose sur ta main devant ta bouche ou quoi, ça c'est pas clair. Non. Araftum wa naktafi bi hadha al-qadar. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك